Salut les nouveaux voyous. Voilà, on a connu la rue en 2017, hein. On prend pour des gros bonnets, hein. Comme des grosses tapettes. On connaît vos CV, voilà. Chez El Clash. La rue nous a guidé, la rue nous a conduit. Sans priver ton éclair, on vit dans la salle de bain. Pour faire partie du village, nous sommes à l'arrivée. Seul le sourire de la madre pourra canaliser. Au poignet, un Clio 3. On connaît pas les SA. Capuché dans le RS3, vite un détail, t'inquiète, le monde d'argent VSA. Le million, y'en a qui l'ont, y'en a qui rêvent, d'autres qui charbonnent pour. Donc pas là pour rigoler, d'ailleurs j'suis pas d'humeur, garde ton humour. J'suis un bateau avec mes semblables, on pense à barber sans blague. Cette salope se plaint, mais j'ai pas son temps à mon cul, y'a la braque. Braque, brasse, brasse, mon petit frère grandit et le temps passe. J'arrête le rap, tu pour un gros casse, tout le monde à terre, j'suis au tasse. Gramme de rebut calé dans son casse, le rap ne paye pas, faut des grosses casses. Tu fais la belle, j'vais baffer ton gars. TTM, tiens, c'est pas les motards. Du coup, y'a les bleus devant la tour bleue. Mais j'suis moukard dans la tour verte, j'ressors tout frais, t'as parlé, mais j'ai tout fait. La rue nous a soudé, l'argent nous a divisé. T'as fumé ton ex-frère au guidon alcoolisé. Ses pères m'ont dit du village, mes hommes à la visée. Sur les sourires de la madre pour me canaliser. Je te souhaite un bon dimanche. Elle dit oui pour la 8 pour la baisse à Dinan. Wesh, Narvalo, y'a quoi à gratter ces temps-ci? J'ai au Davin, qui guerre pas haute affaire transi. Nous, c'est les affranchis, c'est pas les apprentis. Laisse les faire des showcases. À 200 balles, c'est commis. Le joujou va les choquer. Je leur ferai la guerre, c'est promis. Des gants de couilles, un brolique. Je te fais même danser brolique. Au dos, le drapeau de l'Algérie. Je te regarde du haut de la colline. J'ai LK93 avant d'avoir le permis. Je pars au dé en guest. Tu veux ta dose SMS, envoie ton adresse. Me raconte pas ta sœur direct, passe à la caisse. J'ai un tas de romans et très peu de regrets. J'ai LK. Le corps du rap game entouré à la craie. La rue nous a soudé, l'argent nous a divisé.